Chaque week-end, vous le savez, sur France Bleu, nous sommes en compagnie dans leur nature du guide balado et Jean-Michel Maman, le directeur éditorial du guide balado. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Sophie. Alors si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, c'est parce que vous avez choisi la bonne idée sortie du jour. On va s'intéresser aux amoureux des vieilles pierres, aux amoureux de l'histoire. Et on va aller en Île-de-France. Voilà, on ne va pas très très loin, mais pour une idée que j'affectionne particulièrement, donc on va en Seine-et-Marne, à Bry-Contrebert. Donc dans le 77, on va aller découvrir le château de Bry-Contrebert, qui est un vrai château fort médiéval, donc du XIIe siècle. Et la particularité, c'est surtout ça qui est assez surprenant, c'est qu'il est restauré depuis 1982 par une équipe de bénévoles, les Amis du Vieux Château. C'est-à-dire que le château avait été détruit. Il était, disons, en très mauvais état. Vraiment. Voilà. Et il s'acharne depuis 1982 à retrouver, grâce à des fouilles archéologiques, le plan d'origine du château et son évolution au cours des siècles. Mais c'est un puzzle de fou. C'est un travail de titan. C'est une action en même temps exemplaire. C'est vraiment, je pense, un loisir pour passionnés. Oui, absolument. Mais est-ce qu'on peut venir, par exemple, les aider, leur donner un coup de main? Est-ce qu'on peut rejoindre cette association juste pour quelques heures si on nous dit, voilà, vous allez vous occuper de tel secteur ou pas? Est-ce que ça concerne le public, par exemple, ou est-ce qu'on va juste les voir travailler? On ne peut pas s'improviser comme ça, ouais. Maçon ou je ne sais. Donc, on peut rejoindre, je pense, cette association, puisque ce sont des bénévoles, si on a les compétences. Sinon, par contre... Ou si on a du matériel. Également, mais je pense que bon, le matériel doit être quand même fourni, mais c'est surtout qu'ils vous accueillent le week-end et ils vous expliquent ce qu'ils font, leur travail, l'avancée des recherches. D'ailleurs, le château est actuellement déjà assez bien restauré. Il y a les murs d'escarpade et de contre-carpe, les douves, qui sont vraiment déjà en bon état. Oui, donc ça nous permet finalement de découvrir un peu l'histoire du lieu. Grâce à ces bénévoles qui lui redonnent vie. Hein. Ils redonnent vie à ce château et c'est vrai que c'est une manière de revisiter son histoire de manière, je trouve, assez ludique. Alors, quand on va faire un petit tour en Seine-et-Marne pour voir ce château de Bry-Contrebert et les avancées du travail de ces passionnés, est-ce qu'il faut payer une petite entrée, une petite participation Eh bien, même pas. C'est gratuit. Oh, formidable pour ceux qui le souhaitent, il y a des maquettes du château en vente sur place, mais bon, sinon, c'est vraiment assez gratuit. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une salle d'exposition qui présente une partie des fouilles effectuées sur le site. Donc là, vous pouvez voir tout ce qui était poterie et autres objets de la vie quotidienne des 13e et du 13e au 19e siècle. D'accord, donc c'est une sortie à faire en famille. On peut en savoir plus en fouillant dans le guide balado, évidemment, et en allant sur votre site, Jean-Michel, www.balado.fr. Et on retrouve évidemment cette chronique, comme d'habitude, en podcast sur francebleu.com. Jean-Michel, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Sophie, bonne balade.